Salutations Internet, ici Éric Lafontaine du Dernier des Podcasts. Le Dernier des Podcasts est l'ultime balado-diffusion spécialisée dans le cinéma d'action. Alors si tu aimes ton cinoche quand il y a des explosions, des machine guns et des giclées de sang dans les lentilles, bien écoute le Dernier des Podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Télécharge-nous sur iTunes.